Vous allez bien? Je vois pas des sourires partout. Okay, bon, ça veut rien dire. C'est dimanche matin. On est dans Matthieu. On a passé de Matthieu 14, 13 à Matthieu 16 avec Michel il y a 2 semaines. À Matthieu 15 avec Michel la semaine passée. Fait que ce que vous remarquez, c'est qu'on est parti de Matthieu 14, 1 à 13, à 16, 15. Ben moi, je vais venir remplir le trou qui a été laissé béant. Matthieu 14, 13, à presque la fin. Ouais, 33, 34. Bon, comme j'aime le faire, on va lire une histoire dans Matthieu, une histoire qui concerne Jésus qui marche sur la terre. On sait qu'on est dans Matthieu, puis dans Matthieu, ce qui est exprimé particulièrement, bien qu'il y a bien des enseignements qu'on peut faire, c'est la royauté de Jésus. Il est roi. La généalogie le déclare, ce qui va se passer après le déclare. Il fait le discours du trône, où il déclare qu'il est le roi, puis dans son royaume, comment ça va se passer, puis qui peut être dans son royaume. Et on continue, et là, il va dire à ses disciples, Matthieu 10, je pense, que ça va pas être facile. Ça va pas être facile, pantoute, là. Vous allez pas être aimés, là. Chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, on va vous regarder soit avec affection, soit avec rejet. Okay? Ça ne sera pas de l'indifférence. Il marche avec eux autres, il y a des paraboles, il y a des histoires qui sont faites. Puis on arrive à la mort de Jean le Baptiste. Et quand Jésus apprend que Jean est mort, Jean le Baptiste est mort, ben il décide de partir à l'écart avec ses disciples. Vous vous rappelez, on a parlé de ça et Samuel a prêché là-dessus. Le lien qu'il y a entre Jésus, Jean, le rôle de Jean le Baptiste qui vient l'annoncer, là, il est mort. Fait que là, Jésus, c'est... Il est sur le stage et voilà, c'est l'acte final, d'accord? J'espère que c'est un verre d'eau frais de ce matin. Par la foi. De toute façon, j'ai un système immunitaire qui devrait gérer la chose si jamais... Fait que je vais lire dans Matthieu. Mais je veux juste vous dire que ce que je veux faire, c'est faire ressortir le contraste entre la pensée de l'homme, c'est-à-dire ses disciples, puis la pensée de Dieu, c'est-à-dire Jésus, comment il va agir. Puis pour faire ça, je vais lire Matthieu en premier, mais après, je vais le relire, comme vous savez que j'aime bien faire. Mais quand je vais le relire, je vais introduire Luc puis Jean dans le texte. Fait que... Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais donner mes notes parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré les trois ensemble. Puis je vais commenter en m'en allant dans le texte. Mais ce que je veux faire, c'est que vraiment, on voit la pensée de l'homme qui est égoïste, qui est centré sur lui-même. Pas vous autres, là, mais les autres. Alors que la pensée de Dieu, elle, est vraiment tournée tout le temps vers l'humanité. Puis pas juste l'humanité en général, mais le salut de chacun qui se présente devant lui ou qui se présente à lui. Chaque humain, un par un, personnellement, c'est ce qui l'intéresse, Jésus. C'est pas différent de ce qu'il veut pour ses disciples, de ce qu'il veut pour le reste du monde qui va se présenter devant lui. Alors, on va lire ensemble dans Matthieu, à partir de verset 13, Matthieu 14, 13. À la nouvelle de la mort de Jean, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Et c'est là que Samuel expliquait ce qui se passait. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » apportez-les moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et le donna aux disciples qui le distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme » et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre leur répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Okay, ici, il y a des événements. Il y a 2 miracles. Il y a 2 miracles, il y a Jésus, il y a ses disciples, puis il y a la foule. OK? Fait que le premier miracle, c'est Jésus, les disciples, la foule. Le deuxième miracle, c'est Jésus et ses disciples. OK? Première, c'est une foule de plusieurs milliers de personnes. Puis l'autre, c'est exclusif aux disciples. C'est tellement exclusif, là, que c'est la nuit, c'est sur la mer, t'as une méchante tempête. Il n'y a pas d'autres spectateurs, sauf Dieu et les anges, probablement. Mais pour les disciples, là, c'est juste eux autres. Jésus veut leur dire quelque chose. C'est ça, je vais leur lire ensemble les deux, Matthieu puis Luc, là. Mais un petit peu loin, je vais introduire Jean, parce qu'il y a une réponse dans Jean, il y a une raison dans Jean, OK? Jésus est sur la terre pour accomplir la volonté de son Père et le nôtre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? La seule raison pourquoi il est venu, c'est de faire parfaitement la volonté de son Père. Il n'y a rien qui va le déranger de ça. Ce que ses disciples vont vivre, il le sait. Ce que la foule vit, il le sait. Mais son plan à lui est bien au-dessus de ça. Il n'est pas indifférent. Mais son plan à lui est bien au-dessus de ça. Il faudrait peut-être l'appliquer à nos vies aussi. Alors, il est venu faire la volonté de son Père et le nôtre, nous qui avons cru au nom du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle de sa mort. Il faut se rappeler ça, là. Chaque jour, quand je me lève, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection, afin de payer à notre place le prix de notre rébellion envers Dieu. Il est venu pour vaincre la mort par sa résurrection, et pour nous amener dans son royaume à lui. Il est venu former des disciples, afin que ces disciples-là se reproduisent en annonçant la bonne nouvelle avec une pleine conviction. Et ça, à tous les ans. Jésus, c'est ça qu'il est venu faire, puis il va payer le prix. Puis ce qu'il s'attend de ses disciples, et on a vu ça dans Matthieu 10, c'est qu'ils fassent la même affaire, puis ils vont payer le prix. Puis si quelqu'un ne veut pas payer le prix, ben, il faut se poser la question. Il est venu, il les a instruits dans la vérité, et il veut que cette vérité-là se propage de génération en génération. Si j'allais lire Timothée, Timothée 2:2, je pense. Hein? Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de moi, enseignez-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres. C'est ça que Paul a retenu, c'est ça que les apôtres ont retenu, et c'est ça qu'on est censé retenir. Comprendre la vérité pour l'annoncer à d'autres de génération en génération jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors, je vais vous demander d'écouter l'histoire avec attention pour, encore une fois, comparer ce que les disciples pensent, voient, puis ce que Jésus pense, voit. OK, avec les disciples, là, ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués de le suivre parce qu'il n'est pas reposant. Il dit lui-même, j'ai aucun endroit où reposer ma tête. Okay? Lui, il a une mission, le temps passe, il fait exactement ce qu'il a à faire, il va se reposer. Quand? Après la résurrection. Il avait faim, il était fatigué, il avait faim, puis Jésus savait. Puis là, à la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, Jésus il leur propose de s'en aller à l'écart, loin des foules. Jésus, il les aime, ses disciples. Il en prend soin parfaitement, comme un père prend soin de ses enfants. Mais ses disciples, c'est pas son seul intérêt. C'est pleinement son intérêt, mais c'est pas son seul intérêt. C'est aussi pleinement son intérêt ce qui se passe avec les foules. Puis ce qui va être écrit à propos de qu'est-ce qu'il a fait, parce que de génération en génération, on va se rappeler ce qui s'est passé. Alors, je vais le relire. Version intégrée, OK? Est-ce que vous pensez, je pose une question, est-ce que vous pensez que les disciples, là, à ce moment-là, là, hein, ils ont vraiment saisi qui est Jésus, puis qu'est-ce qu'il fait, puis pourquoi qu'il le fait? Est-ce que vous pensez qu'il l'a vraiment saisi? S'ils l'avaient vraiment saisi, ils n'agiraient pas de la manière qu'ils vont agir ici. OK? S'il avait vraiment saisi, Jésus, là, je propose que Jésus n'aurait pas eu besoin de les amener en haute mer pour expliquer le programme. OK? Est-ce que eux autres sont concernés par la foule autant que Jésus? À quoi est-ce qu'ils pensaient vraiment? Il faut lire le texte, puis vous répondrez vous-même aux questions. Mais posez-vous-là les questions. Puis en même temps, posez-vous-les par rapport à vous. T'sais, vous vivez quelque chose présentement, hein, tout ne va pas nécessairement dans l'ordre que vous le voudriez. Comme on parlait ce matin, de l'autre côté, il y a des prières qui sont envoyées par le Seigneur qui ne sont pas répondues. C'est-à-dire que le Seigneur, il n'entend pas, là. OK? Eux, là, ils sont fatigués, ils ont faim. OK? Puis Jésus vient de leur dire, c'est la pire affaire, hein, tu crées des attentes, hein, gestion des attentes. On parlait de ça vendredi. Venez à l'écart. OK? Alors, lisons-le ensemble. Mais là, j'intègre. OK? Et ceux qui voudront faire l'exercice, là, je vous le dis. Il y a Marc 6, 30 à 44. Il y a Luc 9, 10 à 17. Puis Luc 9, 10 à 17. Jean 6, 1 à 21. Ça, c'est la même histoire. Mais moi, je vais intégrer Matthieu, Marc, puis éventuellement Jean. OK? Fait que j'y vais. À cette nouvelle, vous pouvez lire dans Matthieu, dans votre version que vous avez actuelle, mais vous allez voir que je rajoute des bouts, OK? À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient enseigné. Ils étaient partis, puis là, ils revenaient. Tout ça arrive en même temps. Et là, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert. » Là, je suis dans Marc, hein? Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Quand Jésus dit dans la version de Matthieu, quand il dit Jésus va aller à l'écart, ici, dans Marc, il dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils avaient faim, ils étaient fatigués, ils avaient besoin de prendre du temps entre eux autres. Ils partirent dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Ils partirent avec Jésus. Ils s'en allaient dans une barque à l'écart pour se reposer, manger, jaser un peu de tout ce qu'ils avaient vécu. Okay? Ils soupirent pour un petit break, là. Puis prendre du temps ensemble avec le maître. Mais en même temps, toujours dans Marc, plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied. Et ils ont vu partir. Ils savent où ils s'en vont. Et on les devança là où ils allaient. Fait que ton petit break, là, quand il va arriver à l'autre bout, il va s'en aller à l'écart dans un endroit désert. C'est un désert peut-être, mais c'est peut-être aussi genre où il n'y a pas personne, on ne va pas se reposer. Hein, tu comprends-tu? OK? Quand il sortit de la barque, Jésus, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Et il guérit les malades. C'est tout ça que les disciples voulaient. Mais c'est pourquoi Jésus est venu. À quoi ils s'attendaient dans la barque? Comment vous pensez qu'ils sentent quand Jésus ne répond pas à leurs besoins, mais à un autre besoin? Ça fait longtemps qu'ils se promènent, hein, puis qu'ils font des choses, là. Bon, en tout cas. Et là, ils vont avoir une grosse journée. C'est parce que c'est du matin jusqu'à temps qu'on arrive à manger. Puis il y a une foule nombreuse. Alors, ils sont occupés. Le soir étant venu, et je vous pose la question, à quoi ils ont pensé toute la journée, les disciples? Non, mais je veux pas enlever qui ils sont. Mais ils sont des hommes comme nous. C'est pour ça que la parole de Dieu dit. Ils sont des hommes comme nous. Les prophètes dans l'Ancien, tous les héros, là, c'est des hommes comme nous. Là. Ils ne sont pas différents. OK? Puis ils n'ont pas tout compris, c'est pas vrai. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Moi, je dirais, « Renvoie la foule qu'on puisse finalement se reposer. » Est-ce que vous me suivez? C'est un ordre qui est donné à Jésus, hein? « Renvoie la foule. » C'est vraiment une directive. Renvoie la foule, qu'on passe à autre chose, là. C'était pas pour ça qu'on est venu ici. De m'appliquer là à chacun sa vie. Moi, là, j'ai des projets, j'ai des affaires que je veux faire. Puis mes projets sont contrariés parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'il y a d'autres choses. Dieu n'est pas en train de faire ce que j'y demande, il me demande de faire d'autres choses. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, renvoie la foule, afin que... » Jésus, c'est le roi. C'est lui qui décide. C'est pas n'importe quel roi. Quand on est respectueux, on donne pas des ordres à Dieu. On va dire ce qu'on vit, là, mais il sait... On va suggérer, on va demander. Mais il y a comme une petite gêne, il y a comme un respect de si c'est ta volonté, c'est pas ça? Hein? Jésus y répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Comment? Mais ils lui dirent, « Bon, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? » Pourquoi tu poses la question? « Oui, tu vas leur donner à manger. » Je viens de dire, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais les autres, tu poses la question, « Comment tu penses qu'on va faire ça, là? » Vraiment? Il leur répondit, « Combien avez-vous de pain? » « Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent, « 5 pains et 2 poissons. » Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Ils ne veulent pas, il leur dit quoi faire. C'est ça qu'on va faire. Non, ils ne vont pas s'en aller, ils vont rester, vous allez leur donner à manger. Il n'y a rien à manger, vous allez voir. Ils vont voir, ouais, il y a 5 pains, 2 poissons. OK, faites-les asseoir. Je m'en occupe. Et dans sa tête, là, il y a quelque chose qui s'en vient aussi après. Et il dit, excusez-moi, Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbette et s'assirent par rangées de 100 et de 50. Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et le donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il n'a pas demandé de volontaires dans la foule. C'est les 12 qui vont distribuer. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Il y a un enseignement pour la foule en même temps. Les autres ne sont pas au courant de ça, là. Eux, ils sont juste là parce que Jésus fait des miracles, puis là, il va les nourrir. Puis ce qui va se passer dans un petit peu plus loin, quand ils vont traverser la mer, puis ils vont arriver l'autre bord, la foule va arriver, puis là, ils veulent voir Jésus, puis Jésus, il dit, je sais pourquoi vous voulez me voir. Vous n'êtes pas intéressé à qui je suis. Vous êtes intéressé à ce que vous allez manger. Il sait ça, fait qu'il s'en sert de l'enseignement pour plus tard. Puis il va s'en servir pour enseigner à tous les disciples. OK? Dans Jean, on va le voir. Sur ce miracle-là, OK? Il va s'en servir. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Jésus est venu pour tout le monde, pour tous les hommes, un par un. Puis ici, il le démontre. Il est intéressé à ce qui se passe avec les disciples. Croyez-moi, il est 100% conscient de ce qui se passe du côté des disciples. Et le miracle qu'il va faire là est 100% utile pour l'enseignement qu'il va faire un petit peu plus tard, mais en même temps 100% utile pour enseigner quelque chose à ses disciples ici. Jésus, il a une mission, puis il est totalement dedans. Il est concentré sur le fait que plus tard, quand il va mourir, puis qu'il va ressusciter, puis qu'il va monter au ciel, c'est eux qui vont annoncer la bonne nouvelle. Et ils ont besoin d'être convaincus. Et pour le moment, ils ne sont pas convaincus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant que lui-même renverrait la foule. Pourquoi ce n'est pas les disciples qui ont renvoyé la foule? Parce que leur cœur n'est pas là. Fait que lui, il va le faire. Il va prendre le temps de les renvoyer. Comment il le fait? Est-ce qu'on peut croire que c'est personnel ce qu'il va faire? Qu'ils vont se sentir bien, ils vont partir, mais le lendemain, ils vont les revoir. Mais Jésus les renvoie. Il est 100% intéressé à eux autres, un par un. Mais en même temps, là, les disciples aussi, ils ont quelque chose à apprendre. Il les oblige à embarquer dans la barque. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans la barque? On l'a lu un petit peu plus loin tantôt. Hein? Qu'est-ce qui va se passer dans la barque? Ça va brasser. Oui, mais ça va brasser. Pourquoi ça va brasser? Il y a quelque chose qu'ils doivent comprendre. Il y avait quelque chose à faire, il n'y avait pas la bonne attitude, ils vont vivre quelque chose, puis ils vont comprendre. Puis Jésus ne répond pas à la mauvaise attitude, il répond à « Vous n'avez pas compris qui je suis. » Est-ce que vous me suivez? Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Lui, il voulait aller à l'écart, il va aller à l'écart. Puis en fait, les disciples aussi vont être à l'écart. Ils vont être à l'écart dans la barque. Il était fatigué, hein? Il va être très, très fatigué. Je ris, là, mais c'est ça l'enseignement. C'est quand on veut enseigner quelque chose à quelqu'un, tu le dis, là, mais à un moment donné, il faut que la personne le vive. Il faut qu'elle vive quelque chose qui va faire qu'elle va dire, OK, c'est beau, j'ai compris. Okay? Quand elle dit, j'ai compris. Bon, des fois, on dit « j'ai compris, mais pas vraiment compris ». Tu as compris, mais tu n'es pas vraiment d'accord. Et tu vas le revivre une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois, jusqu'à temps que tu dis « OK, c'est beau, j'ai compris et j'abandonne, là, je concède. OK, c'est beau, là, là, j'ai vraiment, vraiment compris. La prochaine fois, là, tu dis « non, non, regarde, j'ai compris. » OK? La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Fait que Jésus est sur la montagne, eux autres sont sur la mer, je me souviens plus, 4-5 kilomètres de loin, là, puis il fait annoncer la nuit, puis une grosse tempête, puis il les voit, OK? La barque était déjà au milieu de la mer est battue par les flots, ils les voient, ils ont beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, c'est aux petites heures du matin, là, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Il n'y a pas de problème, là. Lui, il a dit, allez-vous-en de l'autre bord. Ils vont aller de l'autre bord. Hein? On chante une chanson, là. Il n'a pas dit, allons de l'autre côté pour qu'on coule. Là, je ne me souviens plus de la chanson exactement, là. Mais il a dit, allons de l'autre côté, ben, c'est parce qu'il t'attend de l'autre côté. Fait que lui, il s'en va sur la mer, tu sais. C'est comme intéressant qu'il faut qu'il le voie, tu sais. Il marche sur les eaux, il passe, bon. Il voulait les dépasser. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Est-ce que vous voyez la différence entre Jésus, qui est parfaitement en contrôle, qui sait exactement ce qu'il fait, qui le fait avec autorité? On ne peut pas y donner de ton de voix ici. Il n'y a pas de ton de voix, mais c'est clair que c'est directif. Okay? Mais en même temps, il prend soin, il fait les choses qu'il doit faire, il n'est pas dérangé par leur attitude. Ou qu'est-ce qu'il va... mais eux n'ont pas la bonne attitude. Eux sont inquiets. C'est qui Jésus? C'est qui? Il est venu pourquoi? S'ils avaient compris, il n'y aurait pas eu de problème avec la foule, au contraire. Mais s'ils avaient compris qu'il fallait qu'ils prennent la barque pareil, ils n'auraient pas peur, parce qu'ils savent c'est qui Jésus, que l'autre bord, c'est rough, mais l'autre bord, il y a quelque chose, tu comprends? Mais non, ils sont troublés, ils disent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Tu sais, vous imaginez des pêcheurs, je ne sais pas quel âge ils ont, là. Mais tu sais, c'est un Jason qui se met à crier parce qu'il a peur. C'est un peu stressant quand tu vois un homme mature, tu sais, qui se met à crier parce qu'il a peur. C'est un petit peu contagieux. Fait qu'ils ont tous crié. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Calmez-vous, pompon. Il y a une tempête, Jésus. Tu comprends pas, là, ça brasse, on est fatigué, le vent est contraire, on n'est pas capable d'avancer. Comment tu peux dire, rassurez-vous? Parce que, pourquoi il peut le dire, Jésus? Rassurez-vous, parce que c'est moi. » C'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Je me demandais tout le temps pourquoi il dit ordonne. Pourquoi il n'a pas juste dit dis, tu sais, invite-moi. Mais c'est parce que depuis le début de l'histoire que je vous raconte, là, c'est des ordres qui leur sont donnés. OK? Et il dit, Jésus dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Que Jésus dit, il fait. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il était dans la barque, là, ça brassait. Jésus debout sur l'eau. Il dit à Jésus, hey, si c'est toi, dis-moi que je vienne, je vais venir. Jésus dit, viens. Il sort de la barque, regarde à Jésus, tout va bien. Puis là, on se laisse distraire. C'est pas l'histoire de notre vie? On se laisse distraire. Sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, donc il ne va pas couler, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ça, on pourrait se la rappeler souvent. Pourquoi est-ce qu'on doute? Sérieusement. Pourquoi est-ce qu'on doute du plan de Dieu. Peut-être parce qu'on regarde à l'horizontale. Je veux ceci, je veux cela, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je vis ceci, tu comprends pas, etc. Okay? Au lieu d'avoir les yeux sur le Seigneur qui, lui, a le parfait, total contrôle de tout. Combien de fois ça nous est arrivé? Combien de fois on a douté de la sagesse de Dieu? Combien de fois on a voulu renvoyer ceux qui nous dérangent? Parce que ça dérange nos plans. Combien de fois, suite à une réponse claire de Dieu, on s'est laissé distraire par les ruses du diable? Qu'est-ce que Jésus fait dans la tempête? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut calmer la tempête? Pas autour de moi nécessairement, mais en dedans, dans la barque, là, est-ce qu'il peut calmer les pompons, là? Excuse-moi, j'ai une petite expression ici. Calmer les pompons, juste dire se détendre, relaxer. Il y a probablement bien d'autres choses que j'ai dit que tu n'as pas compris. Et là, quand les disciples voient ça, ils veulent... Dans Jean, OK, c'est dans Jean, je suis obligé d'aller là. Dans Jean 6, 21. Il voulait donc le prendre dans la barque. Et là, je vais mélanger les trois ensemble. Il voulait donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, le vent cessa et la barque toucha terre là où ils allaient. Vous imaginez, là, ils sont à 4 km à peu près en haute mer. C'est la tempête. On est aux petites heures du matin, là. Quatrième quart, je pense, c'est de 3h à 6h, quelque chose comme ça. Le matin. Ça va pas bien. Et là, quand ça arrive, il veut, Jésus prend Pierre par la main et s'en va vers la barque, OK? Et eux, ils voulaient le prendre dans la barque. Et aussitôt, le vent cessa, les éléments. La barque touchant la terre, là où ils allaient. Fait que, comme ça, là, il fait beau, puis on est rendu. Pas obligé de ramer, là. Ils sont fatigués. Pas obligé de ramer. Ils sont rendus au bord, là où ils allaient. Ça s'est passé comme ça. Pas obligé de le croire, mais c'est ce qui est écrit. Et en eux-mêmes, ils étaient tout stupéfaits. Car, pourquoi? Parce qu'ils viennent de voir ça. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Tu ne peux pas comprendre. Vous étiez tournés vers vous-même. Mais là, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » On a peut-être des doutes, là, mais qu'est-ce qui vient de se passer là, là? Ça, c'est clair. Fait que là, le miracle des pains, il sert à la foule parce qu'ils ont besoin de voir qui est Jésus, mais il sert aussi aux disciples parce qu'ils n'ont pas compris la mission de Jésus et leur mission qui s'en vient. Ça va être de prendre soin d'eux autres. Parce que leur cœur était endurci. Et après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et ici, c'est important de comprendre ça, parce que eux, là, ils viennent avoir ce qu'on dit un life-changing event. Okay? Il y a quelque chose là, qui vient de marquer leur vie. Là. C'est clair. À partir de là, là ils vont être confrontés à des réalités, mais pas tellement loin, le lendemain. Okay? Ils vont être confrontés à des réalités et le doute va venir. Parce que vous vous rappelez que Pierre, quand Jésus va être arrêté, là, Pierre va se sauver. Hein? Puis il va renier Jésus 3 fois. Et pourtant, il sait que c'est le Fils de Dieu. Fait que bien qu'on est dans la chair, on n'est pas parfait, là, on n'est pas parvenu. Mais il y a des victoires à avoir. Okay? Et Pierre, là, il y a un autre combat. Il est très, très macho. Hein? Il n'a pas peur, mais quand ça arrive... Oups, excusez-moi. Bon, et ici, il va falloir qu'il prenne position. OK? Puis Jésus l'avertit en plus que ça va arriver. Puis quand ça arrive, sa chair, c'est plus fort que la parole de Dieu. Jésus, il a dit, ça va arriver, cet événement-là. Tu vas me renier. OK? Puis quand ça arrive, là, ben, il va le faire 3 fois, Pierre, avant que le coq chante. Tu sais, la première fois, tu l'as peut-être pas réalisé. La deuxième fois, il me semble que quand ta bouche le dit, tu l'as fait 2 fois, là. Tu dirais pas la 3e fois, là. Ben non, il va le dire une 3e fois. OK? Non, mais c'est ça. Est-ce que Jésus le condamnait à cause de ça? Non. Il faut le vivre. Il faut que Pierre vive cette réalité-là, OK? Si vous allez dans Jean 6, après l'histoire que je viens de raconter, ça commence à 21, ça va à 25. Je ne vais pas la lire au complet, je vais vous emmener au verset 66. Mais ce qui se passe, c'est que Jésus et les disciples, quand ils sortent de la barque, la foule est déjà là, OK? Il se demandait comment Jésus s'était rendu là parce qu'il avait remarqué que quand les disciples sont partis, il avait pris la dernière barque. Puis Jésus était à l'écart sur la montagne, puis les disciples sont à l'écart sur la mer. Fait que là, t'es comme partagé, on va-tu sur l'eau, on va dans la montagne, personne ne nous a suivis. Mais là, quand ils arrivent à destination, Jésus est dans la barque. Comment Jésus est rentré là? Ah, ça va falloir que tu lises le texte pour le savoir. Fait qu'il faut que tu sois écrit, il faut que tu le lises, à moins que tu écoutes les speeches des apôtres quand ils font des conférences à gauche et à droite, là. Vous me suivez? OK? Fait qu'il va falloir que quelqu'un la raconte l'histoire parce qu'il y a juste eux qui l'ont vécu. Puis Jésus est dans la barque, ils ne comprennent pas. Mais là, ils arrivent puis ils veulent toutes sortes d'affaires. Les pharisiens vont venir pour des raisons. La foule, elle est là. Et puis là, ils demandent qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui. Jésus lui dit, je connais vos cœurs. Vous n'êtes pas ici pour qui je suis. Vous êtes ici parce que vous voulez manger. OK? Mais les disciples, eux autres, ils ont compris quelque chose. Puis un petit peu plus loin, quand Jésus va enseigner, il va parler du fait que pour rentrer dans son royaume, il faut manger sa chair puis boire son sang. Puis ça, pour les Juifs, là, c'est totalement inacceptable. Boire du sang, c'est quelque chose qui est rayé d'avance. Là. Et là, Jésus dit, il faut boire mon sang. Ça passe pas. Puis un paquet de disciples là, qui vont s'en aller parce qu'ils trouvent ça trop difficile à saisir. Ça rentre pas. Et là, au verset 66, dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Fait que toi, t'es les disciples, puis tu marches avec Jésus, puis tu vois, il y a une grande foule qui suit tout le temps, puis il y a des disciples qui suivent tout le temps, puis là, il y en a une gang qui lâche, là. On sait pas combien. Mais c'est assez nombreux qui décident de plus suivre Jésus. Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Ils viennent de vivre une expérience, là. S'ils avaient posé la question la veille, « Tu sais, je suis fatigué, moi, là. » Puis là, il y a une gang qui lâche, là. Ah, il est vraiment fatigué. Ils ont peut-être raison, là, tu sais, dans le fond, tu sais. Mais après, ce qu'ils viennent de vivre dans la barque, ils sont encore fatigués. Ils ne sont pas encore posés. Hein. Je ne sais pas si vous savez, là. C'était, ils ont travaillé toute la nuit, là. Puis là, il y a encore une foule. Oh. Bon. Mais là, ils ont vu quelque chose. Et là, ils vont dire, Pierre, Simon-Pierre répond, « Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. » J'ai peut-être pas tout compris, là, mais j'ai compris ça. Fait que je peux pas m'en aller. Je vais rester à côté de toi. Est-ce que j'ai envie de vivre tout ce que je vais vivre? Pas vraiment. Mais est-ce que je vais rester? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas nulle part ailleurs à aller. Là. Qui a la vérité sinon Jésus-Christ? Alors, est-ce que nous, on comprend? On est les survivants de la bonne nouvelle. Ben oui, on est génération en génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, à moins que le Seigneur revienne pendant que je suis vivant, amen, n'importe quand, OK? On est les survivants de la bonne nouvelle, puis c'est à nous de l'annoncer à la génération qui vient. C'est nous les survivants de la bonne nouvelle, ici, aujourd'hui, dans l'endroit où on est placé, dans les conditions dans lesquelles on est. Et là, on a le choix de dire « j'ai faim, je suis fatigué » ou je sais pas quoi, ou de dire « il y a une foule à prendre soin, prenons-en soin ». C'est laquelle on va faire. Par quoi on est concerné? Par notre fatigue, nos besoins personnels, ce qui nous dérange, ou pourquoi on est concerné par quoi? Parce qu'on attend après des réponses de Dieu, ou on veut faire ce que le Seigneur veut. C'est ça que lui veut, qu'on soit concerné par le fait qu'on est les survivants de la bonne nouvelle pour cette époque ici, à cet endroit ici, dans les conditions dans lesquelles on est. C'est ça que Dieu veut qu'on vive. Pas de jugement de ma part, mais c'est ça que Dieu veut qu'on vive personnellement, chacun, tous ensemble, ici, parce que c'est comme ça qu'on annonce la bonne nouvelle. Si on ne la croit pas, on va se plaindre. Si on la croit, on va se mettre un sourire d'en face, on va rouler nos manches, on va faire ce qu'il faut. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ça, ça a changé leur vie à un point tel qu'il n'y avait plus aucune alternative pour eux autres que de mourir pour le Seigneur. Alors, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas confessé le nom de Jésus, je veux juste vous dire, il n'est jamais trop tard. Tant qu'on n'est pas mort, les portes sont ouvertes. Puis pour nous tous qui avons cru, ben Seigneur, je te prie qu'on se concentre sur ce que tu nous demandes et non pas sur ce qu'on vit. Amen. Félix. Oui?